Informé du langage qu'il avait tenu à Chaopu, il le fit transférer à Chincheu, où il mourut avant le 10e jour de son arrivée. Ainsi Li Fu, obéissant à la cruauté de son cœur, désira qu'un autre homme mourût en exil. Il ignorait qu'il mourrait lui-même avant celui qu'il avait souhaité d'y voir périr. C'est ainsi que le ciel punit les hommes qui forment des souhaits cruels. Lorsqu'on voit les autres posséder de grandes richesses, désirer qu'ils les perdent ou les dissipent. Commentaire. Les richesses, l'opulence, Fuyu, 3-4, dont jouissent les hommes dans la vie présente, viennent en général de ce que, dans leur vie antérieure, ils ont répandu des aumônes, et se sont attirés ainsi les bénédictions du ciel. Loin d'exciter notre envie, leur fortune même devrait nous pénétrer d'estime et de respect pour eux. Si nous souhaitons de les voir perdre et dissiper les richesses que le ciel leur a départies, il ne s'ensuit pas qu'ils les perdront et les dissiperont sur le champ au gré de nos désirs. D'autres ont tourmenté leur esprit et fatigué leurs bras, ils ont enduré la faim et le froid, leurs femmes et leurs enfants ont filé le coton et la soie pendant de longues années, et peu à peu ils ont amassé une grande fortune. Nous devrions avoir pitié de leur peine plutôt que de leur porter envie. Si nous désirons qu'ils perdent ou dissipent les richesses qu'ils ont péniblement amassées dans une condition obscure, et dont ils savaient se contenter, ne croyez pas pour cela qu'ils les perdront ou les dissiperont. D'autres enfin ont profité des dangers auxquels étaient exposés leurs semblables pour leur tendre des pièges et les dépouiller. Ils ont englouti la fortune des autres et se sont subitement enrichis. Mais soyez sûrs que cette fortune acquise aux dépens de l'humanité leur sera bientôt ravie par des voies iniques. Ils trouveront naturellement des ennemis qui se chargeront de venger leurs victimes, ou bien ils auront des fils prodigues et vicieux, qui consumeront en peu de temps le fruit de leur rapine. À quoi bon souhaiter que les autres perdent ou dissipent leurs richesses? En général, celui qui veut leur créer des peines et des tourments, ne réussit qu'à attirer sur lui un châtiment rigoureux. Histoire. Il y avait autrefois deux hommes, nommés Wu et Chao, qui demeuraient près l'un de l'autre. Chao, qui était fort âgé et qui avait des enfants encore jeunes, possédait une grande fortune. Un jour Wu dit à quelqu'un, « Avant peu, cette maison sera ruinée. Nous autres, nous n'aurons que la peine de la voir crouler. » En effet, au bout de quelque temps tous les biens de Chao furent consumés, sans que Wu se ressentît le moins du monde de la ruine de son voisin. Mais bientôt après, Wu fut réduit à errer à l'abandon dans le royaume de Tai. À peine fut-il de retour dans son pays, qu'il mourut de misère, et, moins heureux que Chao, il ne laissa point d'héritier. Quel avantage nous revient-il donc de souhaiter que les autres perdent ou dissipent leur fortune? Les hommes du siècle doivent soigneusement bannir de leur cœur ces sentiments de basse jalousie. Voir la beauté des autres, et former le désir de les posséder en secret. Commentaire. Les anciens disaient, une jolie figure inspire de l'amour à tout le monde, mais on ne peut tromper le ciel. Combien d'hommes célèbres, combien de lettrés distingués, qui se sont laissés séduire par la beauté, ont détruit les heureux effets de la protection du ciel, ont perdu le bonheur qui leur était réservé, et diminuer la durée de leur vie. Il y a des hommes droits, de vrais sages, qui, par une conduite posée, ont accru leur vertu secrète, ont augmenté leur bonheur, et prolongé la durée de leur vie. En général, les désirs déréglés ont les plus fâcheuses conséquences. Il n'y a rien au monde qui soit plus capable de troubler et d'égarer l'esprit de l'homme. S'il se laisse ainsi égarer par la volupté, c'est toujours parce qu'il ne conserve pas son cœur dans sa droiture primitive. Si l'homme n'a pas un cœur droit, il pense à la beauté avant de l'avoir vue. Quand une fois il l'a vue, il désire nécessairement de la revoir. Dès qu'il désire de la revoir, les désirs déréglés naissent en foule dans son âme, et il ne cesse ses poursuites qu'après avoir perdu son cœur et détruit tout sentiment de vertu. C'est pourquoi Lao Tzu ne dit pas « posséder en secret une personne belle », mais il dit « voir une belle personne et former le désir de la posséder en secret ». Nous devenons coupables dès le moment que nous avons formé ce désir. Si l'homme peut rectifier son cœur lorsqu'il est seul et désœuvré, il pourra le conserver pur et intact au moment du danger. Le meilleur moyen de conserver son cœur, c'est de ne pas regarder les objets qui peuvent l'égarer. Si vous rencontrez une femme ou une fille qui viennent du côté de l'Orient, regardez aussitôt du côté de l'Occident. Si elles viennent du côté de l'Occident, regardez aussitôt du côté de l'Orient. N'ayant pas vu leur figure, il vous est impossible de former des désirs coupables. Lorsqu'un de vos amis fait en badinant le portrait d'une belle femme, le plus sage parti est de ne pas l'écouter, et par là vous étouffez toute pensée coupable. Si une femme débauchée vient vous obséder par ses sollicitations, pensez à la raison, aux convenances. Alors les désirs déréglés se dissiperont, et vous vous sentirez la force de repousser les atteintes du vice. Voilà le moyen de régler son cœur et de pratiquer la vertu. Ceux qui, après avoir vu une belle personne, conçoivent le désir de la posséder en secret, ne manquent jamais de former des stratagèmes coupables pour faire périr les autres. Ils violent les devoirs que la société leur impose, ils déshonorent leurs ancêtres, ils étouffent les germes des vertus que le ciel a mis en eux, ils pervertissent les mœurs publiques. Enfin, ils peuvent commettre tous les crimes. C'est pourquoi les lois de l'État sont extrêmement sévères sur ce point. On lit dans le code intitulé In Lien, le libertinage est la source de tous les vices. Celui qui déshonore la femme d'un autre homme sera privé d'héritier. Celui qui déshonore une vierge aura des fils et des petits-fils à donner à la débauche. Il perdra sa fortune et périra d'une mort violente. C'est lui-même qui se sera attiré tous ses malheurs. On voit que le ciel ne se contentera pas de diminuer son bonheur ou d'abréger les jours qu'il lui avait assignés. Histoire. Li Tang ayant obtenu à 18 ans le titre de Kaiyuan, le premier rang sur la liste des licenciés, disait qu'il n'aurait pas de peine à obtenir celui de Kuangyuan, le premier rang sur la liste des docteurs. Mais, dans les 10 années suivantes, il ne put y réussir. Il interrogea un religieux appelé Yetsing Fassé sur l'affaire qui intéressait sa vie entière. Le religieux récita des prières, et la nuit suivante il fut transporté en songe aux portes du ciel, qui étaient encore fermées. Les juges étaient rangés en dehors. Yetsing les ayant interrogés sur l'avenir de Li Tang, un d'entre eux prit la parole et lui dit : Quand Li Tang vint au monde, le maître du ciel lui accorda un cachet de jade, et décida qu'à 18 ans il obtiendrait le titre de Kaiyuan, à 19 ans celui de Kuangyuan, et à 50 ans la dignité de ministre de la droite. Mais, après avoir obtenu le titre de Kaiyuan, il regarda furtivement une jeune fille du voisinage, et forma le désir de la posséder en secret. Quoiqu'il n'eût pas encore réussi, il fit mettre son père en prison. En punition de cette conduite, il est tombé à la 29e place de la 2e liste. Quelque temps après, il s'est emparé d'une maison qui appartenait à son frère aîné, et ce crime l'a fait encore descendre à la 38e place de la 3e liste. Ce n'est pas tout. Lorsqu'il demeurait dans une auberge de Chang'an, il vit une belle femme et la déshonora. Et craignant que son père n'en fût instruit, il l'accusa et le fit condamner injustement. Pour ce nouveau crime, le ciel lui a effacé son avancement. Récemment encore, il vient d'enlever une jeune fille, et comme il accumule le mal sur le mal, sans éprouver le moindre repentir, dès ce moment les jours qui lui étaient assignés sont retranchés du livre de vie. Comment pourrait-il espérer d'obtenir le titre de Kohanyuan? Après son réveil, le religieux raconta à Li Tang tout ce qu'il avait entendu. Li Tang fondit en larmes, et mourut de honte et de douleur. Une veuve douée d'une rare beauté demeurait à Yingfu, dans la rue des Teinturiers. Un marchand de bois la vit et l'aima. Il vint souvent dans sa maison, sous prétexte de faire teindre des étoffes, et employa mille stratagèmes pour la séduire, mais il ne put vaincre sa résistance. Se voyant trompé dans son attente, il imagina un stratagème pour la perdre. Pendant la nuit, il fit jeter plusieurs pièces de bois dans sa maison, et le lendemain il l'accusa de les avoir volées. Il gagna les employés inférieurs du tribunal, et la fit mettre en prison, espérant que la honte et les privations de tout genre la forceraient de céder à ses désirs. Mais cette femme priait jour et nuit le dieu Yuan-ti. Il y a déjà longtemps, disait-elle, que je vous sers dans toute la sincérité de mon âme. Comment se fait-il que vous ne puissiez pas me secourir? La nuit suivante, le dieu lui apparut en songe et lui dit : j'ai donné mes ordres à un tigre noir. Quelques jours après, le marchand de bois étant allé dans une forêt pour abattre du bois, un tigre sortit du milieu des arbres. Il alla le chercher parmi ses ouvriers, lui dévora la tête et s'enfuit. C'est ainsi que ceux qui, en voyant la beauté des autres, forment le désir de les posséder en secret, sont privés d'avancement et sont punis même par la perte de la vie. Nous allons maintenant citer plusieurs personnes qui ont obtenu le bonheur pour avoir vu la beauté des autres sans former le désir de les posséder en secret. Un homme de Saint-Chéou, nommé Laméoutien, avait obtenu le grade de licencié. Il était pauvre et fermait sa porte pour se livrer à l'étude. Une femme voisine, qui était fort riche, fut éprise de ses talents et de sa réputation. Elle vint le trouver la nuit, et le sollicita de répondre à ses désirs. Méoutien lui adressa des reproches sévères, et lui dit : les esprits du ciel et de la terre nous entourent de toutes parts. Comment pourrait-on pécher en leur présence ? Cette femme fut couverte de confusion et se retira. Dans la suite, Méoutien eut trois fils, qui obtinrent le grade de docteur. Il y avait à Nanking un étudiant qui allait subir ses examens. Sa figure était ornée de tous les agréments de la jeunesse. Dans la maison qui faisait face à son hôtel, demeurait la fille d'un magistrat. Elle vit l'étudiant et en devint éprise. Quand le concours fut terminé, elle envoya une servante pour inviter le jeune homme à un rendez-vous. Mais celui-ci, craignant de perdre les bénédictions du ciel, n'osa point aller au lieu indiqué. Un autre étudiant, qui demeurait avec lui, ayant appris secrètement cette circonstance, prit la place de son condisciple et alla au rendez-vous. Comme il faisait nuit, et qu'il était difficile de distinguer les traits de sa figure, la servante le conduisit auprès de sa maîtresse, qui le reçut dans son lit. Il arriva par hasard que le père vint à rentrer au milieu de la nuit. Les ayant surpris ensemble, il entra dans une telle colère qu'il les tua tous les deux. Le lendemain, on publia la liste du concours. Le jeune étudiant n'y vit point le nom de son condisciple qu'il avait remplacé, tandis que le sien figurait parmi les licenciés. Il dit alors aux personnes qui se trouvaient auprès de lui : si je fusse allé au rendez-vous, je serais inscrit aujourd'hui sur le registre des morts. dans les années Xuantée, 2426 à 1436. Zhou Nai arrêta des voleurs qui avaient enlevé une jeune fille. Cette jeune fille vint le trouver au relais de la poste et lui fit des propositions qui blessaient ses principes. Comment oserais-je abuser de cette jeune fille? Se dit-il avec émotion. Aussitôt il prit un morceau de papier et y écrivit ces quatre mots. Zhou Nai Puko, Zhou Nai ne peut y consentir, et le brûla. Le lendemain, il fit venir les parents de la jeune fille, et la leur rendit. Quelque temps après, comme l'empereur l'interrogeait dans le palais sur l'économie politique, tout à coup le vent fit voler vers lui un papier qui portait les quatre mots Zhou Nai Puko, Zhou Nai ne peut y consentir. Son imagination s'enflamma, son élocution devint plus riche et plus fleurie, et il obtint le titre de Kohangyuan. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont vu la beauté des autres, sans former le désir de les posséder en secret. Les unes ont reçu elles-mêmes leur récompense, les autres ont été récompensées dans leur fils et le petit-fils. Il serait impossible de les citer toutes. Liu Mongqin disait : il faut se garder soigneusement des conséquences fatales de la volupté. Il vaut mieux s'exposer à toutes sortes de mauvais traitements et de dangers que de céder à des désirs déréglés. Quand vous serez exposé aux séductions du vice, songez aux châtiments qui vous attendent dans l'autre monde. Désirez la mort de ceux à qui l'on doit de l'argent. Commentaire. Le mot fou, hein, signifie devoir. Les livres de FO disent. Si vous n'acquittez pas vos dettes pendant la vie, il faudra que vous les payiez après votre mort. C'est pourquoi, lorsqu'on doit de l'argent à quelqu'un, il faut le rendre le plus tôt possible. Si vos moyens ne vous permettent pas de le rendre de suite, que votre dette soit toujours présente à votre esprit, soyez pénétré de reconnaissance et désirez sans cesse de vous acquitter. Si au contraire vous désirez la mort de votre créancier, dans l'idée que vous serez quitte de tout dès qu'il ne sera plus, vous ignorez qu'en formant un tel désir vous montrez la férocité du loup. Il est à craindre que, dans votre vie future, vous ne passiez dans le corps d'un chien ou d'un cheval pour acquitter votre dette. Histoire. Un homme de Yongqia, nommé Xuan, avait emprunté 1000 onces d'argent à un riche marchand de Tanyang. Ce marchand étant mort, avant d'avoir été payé, Huan se garda de parler à personne de la dette qu'il avait contractée envers lui. Quelque temps après, Huan eut un fils qui était doué d'une jolie figure et d'une intelligence remarquable. Son père l'aimait avec tendresse. Mais il tomba dangereusement malade à l'âge de 8 ans. Huan appela un médecin et dépensa toute sa fortune pour obtenir sa guérison. Un jour, l'enfant dit tout à coup à une vieille religieuse à qui il était attaché : « Je veux m'en retourner. » « Vous êtes dans votre maison, » lui dit-elle. « Où voulez-vous aller ?» L'enfant lui répondit. Tirekedratin, je suis un homme de Tanyang. Xuan m'avait emprunté 1000 onces d'argent. Il profita de ma mort, et ne me restitua point la somme qu'il me devait. Je suis venu ici la chercher. À ces mots, il expira. Peiyuantong devait à Yangyu une somme de 5 400 kopecks. Yu étant mort, Pei garda le silence sur cette dette. L'année suivante, Pei mourut à son tour. Il naquit dans la maison de Yu sous la forme d'un âne. Un jour, le fils de Yu monta sur cet âne et alla au marché. Tout à coup l'animal fit entendre une voix humaine. « Je suis Peiyuantong, » s'écria-t-il. « Je devais à votre père 5 400 kopecks, Voilà pourquoi je suis réduit à l'état de brute. Un marchand de farine du marché du midi me doit la même somme. Vendez-moi à cet homme, et ma dette sera acquittée. Le jeune homme y consentit, et allait vendre l'âne au marchand de farine. L'animal mourut au bout de quelques jours. On voit par ces exemples que Suoin et Peiyuantong n'avaient point souhaité la mort de leurs créanciers, seulement ils en avaient profité pour ne point s'acquitter de leurs dettes. Cependant, ils ont été obligés de les payer dans la vie suivante. Il est facile de juger par là avec quelle sévérité seront châtiés ceux qui souhaitent la mort de leurs créanciers. Détester et maudire ceux qui n'ont pas voulu satisfaire à nos demandes. Commentaire. L'expression « kenkyu », demander, s'applique à ceux qui visitent les hommes riches et puissants pour leur adresser des prières ou des demandes. Par exemple, les prier de nous donner une recommandation, de nous prêter de l'argent, de nous accorder leur secours, de nous donner un objet précieux, de nous pardonner ou d'avoir de l'indulgence pour nous, etc. Les mots pousoui signifient ne pas obtenir ce qu'on désire. Le mot cheu, 7, signifie malédiction. Le mot en, 8, veut dire haine, ressentiment. Si vous entrez chez quelqu'un pour lui adresser une demande, il est libre d'accorder ou de refuser. Pourquoi voulez-vous absolument qu'il cède à vos sollicitations? Si vous n'obtenez pas ce que vous désirez, vous devez vous accuser vous-même et rougir de votre indignité. Mais si vous vous abandonnez à la colère, si vous proférez des malédictions contre cet homme, quel crime avez-vous à lui reprocher? Vos malédictions retomberont sur vous-même. Histoire. Un jour, un mendiant alla dans un temple de Hefo pour demander à manger. Comme le moment de rompre le jeûne n'était pas encore venu, les religieux ne voulurent point lui donner de suite ce qu'il demandait. Le mendiant entra en colère et vomit contre eux des imprécations. Si j'étais l'empereur, s'écria-t-il, j'écraserais sous mon char toute cette étendue. Quelque temps après, comme il dormait sur le bord de la route, un char qui passait rapidement lui écrasa le cou et le tua. Il y avait dans la province du Shaanxi un homme appelé Changqiao, du district de Yayin, qui aimait à employer des intrigues pour obtenir de l'avancement. S'il lui arrivait le plus léger échec, il entrait en fureur, vomissait des injures et des calomnies, et se portait à toutes sortes d'excès. À la fin, il mourut en perdant tout son sang. On voit par là que les malédictions que nous adressons aux autres ne font que retomber sur nous-mêmes. Voir les échecs des autres et les attribuer à leurs fautes. Commentaire. L'expression « chipien », littéralement perdre un avantage, signifie échouer dans une affaire, être frustré de ses espérances. Ici-bas, l'homme ne peut réussir en toute chose. Quand par hasard il échoue dans une entreprise, tantôt cela vient de ce que cet échec était décidé d'avance par le destin, tantôt de ce qu'il n'a pas été favorisé par les circonstances. Son malheur doit nous inspirer un sentiment de tristesse et nous arracher des soupirs. Mais si nous révélons les fautes qu'il a commises, si nous disons qu'il a mérité l'échec qu'il éprouve, c'est se réjouir de l'infortune des autres et faire son bonheur des calamités qui les affligent. Comment une telle conduite pourrait-elle rester impunie? Histoire. Au Shaanxi était mort de maladie. Sa femme le pleura en donnant les marques de la plus vive douleur. Chaoshi, la femme de son frère aîné, l'arrêta en disant. Quand votre mari vivait, il se livrait aux vices et fréquentait les mauvais lieux sans jamais songer à vous. Qu'avez-vous besoin de le pleurer ainsi? Dès ce moment, cette femme cessa de regretter son mari. Mais bientôt après, Chao Shi vit en songe ainsi qu'il lui dit. La mort et la vie sont réglées par le destin. Pourquoi rechercher les fautes d'un mari en présence de sa veuve, et le poursuivre par la calomnie jusque dans l'autre monde? Vous allez mourir aujourd'hui, mais après votre mort, vous n'aurez pas le même bonheur que moi. Chao Shi fut saisie de terreur. Bientôt après, elle tomba malade et mourut. Il arriva que son mari était depuis longtemps en voyage. Ses enfants, qui étaient jeunes et sans discernement, ne purent lui rendre les devoirs funèbres. On voit, par cet exemple, qu'il ne faut pas révéler les fautes de ceux qui sont morts. À plus forte raison doit-on garder le silence sur celle des hommes vivants. Li Yong avait acquis une grande réputation par ses talents littéraires. Mais il se distinguait encore davantage par sa piété filiale. Il tomba malade et mourut, laissant sa femme enceinte. Toute la maison était plongée dans le deuil, à l'exception de Hoshi, son beau-frère, qui disait à tout le monde. Pendant sa vie, Li Yong flattait la multitude pour acquérir de la réputation et se vantait de ses talents et de sa capacité. Il a mérité son sort. Ses paroles ne faisaient qu'exciter le mépris de ceux qui l'entendaient. Hoshi mourut lui-même au bout d'un an. Le fils de Li Yong réussit dans les lettres et continua la réputation de son père. On voit par ces exemples que ceux qui se laissent aller à la médisance ne tardent pas à en être sévèrement punis. Quant aux jeunes étudiants, ils doivent se garder de juger légèrement les qualités ou les défauts des hommes de l'Antiquité. En effet, la prudence et le discernement des hommes ne vont pas bien loin. Ils peuvent, il est vrai, voir les autres, mais ils ne peuvent se voir eux-mêmes. Tel homme révèle aujourd'hui les défauts des autres, et il ignore qu'à leur tour ils révéleront aussi les siens. Il faut donc s'abstenir du défaut que nous signalons. Voir les infirmités corporelles des autres, et les tourner en ridicule. Commentaire. Les mots Tixiang signifient le corps et la figure. L'expression Puku signifie littéralement incomplet, imparfait. Par exemple, si un homme est privé d'un œil ou s'il boite d'un pied.